Bon, alors on va faire un c'est la bon grande amour de Bibi Joe. Vers l'Est. Et on va parler de la Chine. Alors, Chinois, encore un effort pour être révolutionnaire, de René Viennet, qui est un éminent sinologue, qui est même, je crois, directeur du centre, même je suis sûr, du centre de recherche asiatique. La bibliothèque asiatique. Ah, moi j'ai centre de recherche. Et aussi, mais ça c'est les deux. Bon, enfin, il est directeur de tout. Drôle de film. Drôle de film culotté, probablement inexact. Oh, tu l'as pas vu, c'est pas possible. Je fais pour de la dire des choses pareilles. Alors à toi. Non. Comme si Jean-Louis. Tu connaissais l'exactitude en matière de Chine. Qui l'a connu? Non, c'est Georges qui va parler. Georges. Vas-y, commence. Non, c'est un film, c'est le premier film politique. C'est-à-dire que c'est une explication de la politique chinoise depuis 30 ans. C'est la première fois que le cinéma... Non. À mon avis, c'est la première fois que le cinéma fait œuvre d'historien et d'historien sérieux. Sur la Chine. Oui, sur la Chine. Et fait œuvre d'historien sérieux dans le monde entier. Jamais le cinéma n'a fait œuvre d'historien. Oula. Cette fois, le cinéma nous apporte des documents comme nous n'en avons jamais eu dans aucun film. Sur aucun pays. Sur aucun pays. Sur aucune époque. Sur aucune époque. Oula. Nous n'avons jamais vu des documents aussi authentiques. Impressionnants, oui. Et aussi, et en aussi grand nombre, inédits. Bon. Oui. Donc, je déclare solennellement qu'il s'agit d'un film historique. Bon. Je déclare non moins solennellement qu'il s'agit d'un film marrant. Ah oui, ça c'est vrai. Car on s'amuse follement. Oui. C'est une histoire extrêmement sérieuse, mais qui est vue par Charlie Hebdo. Alors, je dois dire que le mélange d'un historien solennel, professant ex cathedra en Sorbonne, et des rigolos d'Arakiri, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Charlie Hebdo, l'Arakiri, choisis ta paroisse quand même. Oh, c'est la même. C'est un des films qui m'ont à la fois le plus passionné et le plus amusé depuis 60 ans, depuis 70 ans que je vais au cinéma. Bon, merci Georges. Nous venons d'entendre la pensée profonde du président Mao Charansol sur ce film. J'aimerais bien quand même qu'on me dise d'une façon plus sérieuse, parce que c'est... Ah, sérieuse? Mais je suis très sérieux. Non, mais c'est une blague. Je suis très sérieux. C'est pas du tout une blague. C'est un film extrêmement sérieux. Non, je crois que, indépendamment de la position situationniste de notre ami Charansol, qui a fait on a le droit de situationniste. Qui a fait un détournement du film. C'est un film que j'aime. Pourquoi est-ce que je ne serais pas situationniste? Mais je ne te le reproche pas. Tu n'as rien à me reprocher. Absolument. Dans 5 minutes, Charansol sera punk. Méfie-toi. Non, parce que il y a une évolution accélérée que j'ai constatée ces derniers mois et qui est très intéressante, de toute façon, de la part de Georges Charansol. Et j'en prends acte solennellement aujourd'hui. Mais non, c'est un film que j'aime. C'est un film que j'aime beaucoup. Que je trouve également d'un grand tenus et d'une grande verve. Je crois simplement, ce qui se passe avec ce film, c'est peut-être, mais ça ce n'est pas la faute de René Viennet et de ses deux amis qui ont réalisé le film, c'est la faute entre le moment où on décide de faire un film et au moment où ce film est terminé, il se passe des choses. Or je crois que, si vous voulez, ce film vient, non pas trop tard, parce qu'il est toujours bon que tout le monde aille voir ce film et apprenne pas mal de choses, mais si vous voulez, je crois que René Viennet, qui a donc dirigé la collection asiatique et qui a vu se publier dans la presse française tellement d'âneries, tellement de contre-vérités, à l'époque de la grande idolâtrie maoïste, où il était absolument impossible, dans les journaux les plus sérieux, de faire la moindre critique sur les dizaines de milliers de gens qu'on liquidait, sur l'intolérance, sur le catéchisme récité, etc. Mais même dans les grands journaux... Sur le million de gens qui ont été assassinés... Bon, on a parlé, à l'occasion, je me rappelle, à Chambéry, du film de Joris Ivens, où il n'y avait pas la moindre critique, et ces films étaient accueillis il y a 2 ans encore dans une sorte d'idolâtrie générale. Et il est vrai que René Viennet a été pris, je crois, au cours des années, en tant que sinologue, de quelqu'un qui connaissait Hong Kong, qui avait des informations de première main, des amis à lui qui avaient été exécutés, liquidés, etc. était pris d'une rage qui s'est accumulée et qui a dit « il y en a marre, il faut faire quelque chose ». Et il a fait ce film, et maintenant, effectivement, maintenant, y a-t-il encore un maoïste en France ? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'entre le moment où le film est sorti, les groupes maoïstes étaient en dissolution, la presse la plus officielle commençait à tourner Kazakh et à refaire le bilan de ce qui s'était passé, comme c'était passé avec le stalinisme à une autre époque. Bon, et le film de Vienne, évidemment, maintenant, les gens disent « mais tout cela, on le sait, M. René Vienne ne nous apprend rien, c'est on s'excuse ». Non, là, ça apprend tout. Mais tu permets, je dis que c'est ce que certains disent du film. Ce n'est pas vrai. Bon. Bien sûr, on essaie de faire la conspiration du silence autour de ce film. Alors, quand on... Non, parce que je me... Avec toi, on n'y réussit pas. Écoute, ça devrait sortir dans les plus grandes salles, un film pareil, c'est un film prodigieux. Mais ne me transforme pas en critique du film, puisque je dis que je défends ce film, et même je l'ai aidé au maximum à l'époque, même quand j'étais, c'est privé, mais je peux le dire, à la commission d'avance sur recettes, pour que ce film puisse se financer. J'ai soutenu ce projet, parce que je connaissais la Bibliothèque asiatique et les qualités de René Vianney. Donc, ne me fais pas la leçon, c'est pas ça le problème. Ce que je dis simplement, c'est qu'on peut faire des critiques au film et de dire, par exemple, qu'expliquer, comme il le fait, toute la politique d'un pays de 800 millions d'habitants sur 40 ans, uniquement par des règlements de compte au sommet, c'est un peu comme si on peut expliquer tous les événements politiques par des intrigues de palais. Et que c'est une limite du film. Mais je crois que cette limite, elle est assumée et elle est nécessaire parce qu'effectivement, il y a eu trop, de mensonges. Oui, et Vianney a dit, allons-y par le sarcasme, faisons l'affreux Jojo, démolissons tout ça. Il est évident que, contrairement à ce que dit Charles Saul, ce n'est pas le film sur la Chine, c'est, à mon avis, un ballon d'oxygène et d'impertinence qu'il ne faut pas du tout prendre pour la vérité, parce que le film de Vianney peut être critiqué à son tour, parce qu'il contient sûrement des en tout cas des erreurs peut-être, il faudrait étudier ça de très près, mais en tout cas je trouve que c'est très nécessaire, parce que c'est le type qui fait des pieds de nez, et quand on dit mais il a tort, il y a des raisons socio-économiques, on nous a toujours fait ça, on a voulu nous expliquer le goulag, en disant oui mais vous ne tenez pas compte du contexte international dans lequel le stalinisme s'est passé, etc. Vianney dit merde, il dit regardez, et il se paye de la tranche de ces gens-là, qui sont des dirigeants comme d'autres, et qu'on pourrait faire la même chose en France, on pourrait faire la même chose en Angleterre, en Amérique, ce serait très sain. Je souhaite de voir la même chose sur le gaullisme, pourquoi pas. Oh là là, mais ça serait très bien. Excuse-moi, il n'y a pas les mêmes scandales, non, ni les mêmes horreurs. Non, mais c'est d'une autre. Mais on ne va pas. La comparaison est énorme. Non, je dis simplement que l'impertinence en matière politique est saine. Bravo. Et que c'est un film anti-religieux, et qu'il y a des gens religieux partout, jusqu'au Liechtenstein, et que c'est très bien de faire un film. À Monaco, donc. Oui. Bon. Baron Selly. Merci, Michel. Baron Selly. Je pense qu'il y a deux choses peut-être à ajouter. C'est qu'effectivement, comme le disait solennellement Charles Saul, la matière image est d'une richesse extraordinaire. Les documents, les documents sont absolument extraordinaires. Le ton du film est vraiment très marrant, et je pense que cette impertinence est très utile. Je peux peut-être faire remarquer qu'il y avait quand même des livres, qui étaient les livres de Simon Leys, avant ce film, on dit sur la Chine maoïste, certaines choses qui sont reprises là dans le commentaire sous une forme... Livres admirables. Qui étaient des livres admirables, et qui étaient des livres où la franchise apparaissait. Publié par René Vianney. Ombres chinoises et les habits du président Mao ont été publiés Peu importe, ce sont des livres extrêmement intéressants et où finalement on retrouve en moins cocasse l'esprit du film. Enfin, dernière observation aussi, comment dirais-je, ayant aimé autant que je l'ai aimé le commentaire, je trouve quand même qu'à la longue c'est un peu fatigant. Et que quand on voit justement l'intérêt des images, on se dit quand même, s'il y avait pu y avoir une part de cette impertinence, de cette cocasserie, de ce côté burlesque, et de temps en temps, malgré tout, un peu, de sérieux, mais tout au moins de documentation précise, ça nous aurait bien aidé, et ça aurait quand même ajouté beaucoup à l'intérêt du film. Voilà, je crois que un film qui attaque constamment le journal Le Monde soit attaqué par le critique du Monde à cette tribune. Je demande à Charles Saul de répéter parce que je n'ai pas compris. Moi non plus, il est fou. Je n'admets pas qu'un film qui attaque le journal Le Monde pour ses articles sur la Chine soit défendu par moi, qui n'ai rien à voir avec Le Monde, et attaqué par le critique. Charles Saul est tellement religieux et adorateur de ce film qui ne tolère pas la moindre réserve. Il va falloir faire un film sur Charan Sol dans le même esprit oui. que oui. le film sur la Chine. Oui. Ah oui. Jean, si tu veux bien me consacrer à un film, je te jure que je serai ravi. Ouais, mais je ferai le commentaire. Oh. Ah, alors ça, mon bonheur serait je coupé. N'en ferai pas la critique. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de producteur. Et ça sera produit par Le Monde. Sûrement pas. Mais oui. Bon, Jean-Louis, est-ce bah, que... Ouais, ouais. Non, on a dit, il te reste plus rien. Ben non, mais moi, c'est pour moi, ce film que j'ai vu avec vraiment un bonheur constant, parce que là, on est fait. Est-ce que Baron Céline n'a pas un peu raison quand il dit si, quand non, même mais il faut voir le propos d'Yenné. Il y a un léger manque de sérieux. Il faut voir le propos. Mais si, non, il est sérieux. Les images sont sérieuses. Il faut voir le propos de Yenné, c'est vraiment c'est son oui. ras-le-bol de riz. Oui. C'est ça. Il a fait, oui, c'est ça. Oh. Et alors. Et moi, je crois profondément, individuellement, à la nécessité vitale de l'irrespect, de l'insolence en politique. Il faut qu'on ait le droit de se foutre de M. Marchais, M. Mitterrand, M. Giscard d'Estaing, de leur dire vous nous emmerdez, vous êtes des guignols pas drôles, etc. Il faut qu'on ait le droit. Le respect, désolé, le respect en politique est mortel. Ce film est irrespectueux. Je souhaite que les Français, dans les jours qui viennent, soient de plus en plus irrespectueux. Voilà. Solennellement. C'est difficile d'être à la fois irrespectueux et responsable, mais tu as raison, sans doute. Mais on peut être responsable sans vouloir comme ça avoir la grosse tête. Mais si tu avais vu le film, tu tenu. Verrais qu'il est très responsable. Oui. Oui. Bon, est-ce que notre ami... C'était solennel, c'est pas ça. Quel... Ce que je peux encore ajouter, oh, c'est mais que... On est libre. C'est que si vous ne devez voir que 5 minutes de ce film, ne manquez pas le générique qui est absolument génial. Oui. Bon, ben moi j'ai assez envie, maintenant vous m'avez convaincu. Si, c'est une leçon d'irrespect, c'est nécessaire. Très bien. J'irai par respect... C'est l'hygiène. Par respect pour Charan Sol et pour vous obéir. Et je demande à Yves Prin qui a dû affûter des baguettes, j'imagine,